Il est révélé ces derniers jours que Bakounine a organisé et commandé elle-même l'opinion publique pour dissimuler la vérité de l'accident du paquebot Sewol. Un document en la matière est découvert chez Kim Yong-han, ex-secrétaire responsable de la Maison Bleue chargée de l'administration civile, au cœur de l'aménagement des affaires personnelles. Par ailleurs, le 19, le journal sud-coréen Video Onul a rapporté que Ko Yong-joo, actionnaire de la radio MBC et administrateur général de la Société de la radio et de la culture sud-coréenne, a profané les manifestants engagés pour la retraite de Bakounine.